La dernière fois, avec Paul Fournel, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui à nouveau, nous avons parlé d'un certain Balmer, personnage de la liseuse. Et donc j'ai le plaisir de l'accueillir aujourd'hui en personne, puisque Paul nous disait que ce personnage devait tout à Hervé Le Tellier, et que Hervé me l'a confirmé tout à l'heure en micro. Bien, donc je remercie Hervé d'avoir accepté cette invitation un peu tardive, mais qui miraculeusement lui permettait de se joindre à nous. Alors, beaucoup d'entre vous le connaissent comme romancier, comme poète, comme homme de radio, puisque il a participé longtemps au Papou dans la tête sur. Encore, sur France Culture, et il continue de le faire. C'est aussi un grand défenseur de la vie et de l'œuvre de Botul, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Il doit nous rejoindre un peu plus tard. Oui. Voilà. C'est aussi un théoricien de l'Oulipo. Il a écrit un beau livre intitulé « Esthétique de l'Oulipo » que je vous recommande, « Castor Astral ». Bien en 2006. Beaucoup de cordes à son arc. Quand on regarde sa notice Wikipédia, on se demande comment un seul homme peut avoir eu tant d'existence. Il ne faut pas croire Wikipédia. Je sais qu'il faut se méfier de Wikipédia. On dit que vous avez commencé par être mathématicien, c'est vrai? Oui, ça c'est vrai. Tout est vrai dans la notice. Tout est vrai. Mathématicien, journaliste, linguiste. Les trois en même temps, c'est relativement rare. Oui, enfin, je pense que ce qui doctorat de linguistique, c'est ça. Oui, c'est ça d'ailleurs. Autant le dire, c'est la thèse linguistique qui adaptée en ouvrage sans beaucoup de modifications d'ailleurs, puisque lorsque j'ai présenté la thèse, on m'a fait remarquer que c'était tout sauf une thèse. Bon. Oui, parce que voilà. Ça pourrait être une thèse de littérature. Oui, voilà. C'est aussi bien. Hein, oui. Les frontières ne sont pas si étanches. Non. Donc j'ai profité de la perméabilité justement entre la linguistique et la littérature pour faire un livre qui finalement est une exploration de la littérature à contrainte sur une base qui n'est pas tout à fait nouvelle, hein, parce que j'ai développé l'idée d'une esthétique à l'Oulipo qui serait une esthétique de la complicité. Alors je pourrais en développer un petit peu ce que c'est. Mais il y avait en fait, il est clair que la question de l'esthétique est une question qui n'intéresse pas l'Oulipo. Voilà. Principe de base, nous ne savons pas ce qu'est le beau, nous ne savons pas, le beau en littérature, non seulement nous ne savons pas, mais je ne sais pas qui sait ce qu'est le beau. J'ai vu que Ricardou avait, quelques années, développé une thèse sur les formes de la forme poétique, genre. L'anabate, enfin des choses comme ça, dans les textes poétiques pour vérifier qu'un texte est bien poétique, genre s'il y a de l'anabate, s'il y a de la métaphore, s'il y a. Alors il comptait, et puis à la fin il disait s'il y a plus de 30% de métaphore, c'est de la poésie, s'il y a plus de 50% d'inversion adjectif, on est dans la poésie. Donc à l'Oulipo, on ne sait pas faire ça. C'est presque une de nos gloires, on ne sait pas savoir ce qui est beau, on ne connaît pas la frontière entre la bonne et la mauvaise littérature. La preuve étant en particulier la notion qui était très présente chez le Lyonnais des secteurs, des différents secteurs de la littérature, dans lesquels il faisait rentrer en extrême limite dans le troisième secteur tout ce qui n'était pas dans les deux autres. Qu'est-ce qu'il y avait dans le troisième secteur? Déjà, il y avait quasiment les indicateurs de chemin de fer, ce qu'il y avait écrit sur les tickets de métro. Il faisait tout rentrer dans cet univers-là parce que c'était des univers qui étaient manipulables, qui étaient combinables, qui étaient des supports possibles pour la littérature. Et donc, ça l'intéressait. Donc, nous ne savons pas ce qu'est l'esthétique. Mais néanmoins, je suis parti d'une idée qui est très courante à l'Oulipo, mais que j'ai un petit peu formalisée, qui est l'idée que... il y a entre le lecteur, bon ça c'est depuis Coleridge, j'en sais, il y a un pacte, le pacte classique qu'on connaît entre le lecteur momentanée de l'incrédulité. La suspension momentanée, je ne sais plus le dire en français, la suspension. Willing suspension of disbelief. Disbelief, voilà. Oui, c'est ça. Donc, la suspension volontaire de la. Et à l'Oulipo, il y a une chose en plus qui est évidemment liée au fait qu'une partie des textes oulipiens, les textes oulipiens étant écrits sous contrainte, cette contrainte peut. lorsqu'elle est visible par le lecteur, et donc elle n'est pas toujours visible par tous les lecteurs, ça veut dire que certains lecteurs vont voir de la contrainte ou du jeu, et d'autres ne le verront pas, il y a donc une sorte de pacte supplémentaire qui s'établit, un pacte de vraie complicité, qui est un pacte qui est lié à différents niveaux de complicité que j'ai essayé de lister, en commençant par ce qui semblait les niveaux les plus élémentaires pour aller jusqu'au plus haut niveau de complicité, qui serait celui de l'oulipien à l'oulipien. C'est-à-dire quelqu'un qui connaîtrait quasiment toute la littérature oulipienne et à qui, quand on dirait Marcel au lit, ou virgule, quelque chose au lit, qui saurait que ça fait référence à un texte écrit par Georges Perec, qui est dans les variations, où il dit « autre point de vue, Marcel au lit ». Bon, alors évidemment, ça demande un niveau de compétence qui n'est pas nécessaire à tout lecteur. C'est une réécriture de la première phrase de la recherche. Réécriture de la première phrase de la recherche du temps perdu. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Autre point de vue, Marcel Oly. Voilà. Donc, qui prend une dimension différente selon. Comme nous avons un Marcel à Louis Po. Oui, c'est sûr. Voilà, ça prend une dimension supplémentaire à ce niveau-là. Donc voilà, il y a tous ces niveaux de complicité qui sont listables. Et sur lesquels on peut essayer d'avoir une réflexion, et ce qui était l'idée. Voilà, je finis sur l'esprit de l'Oulipo. Très bien. Donc, lecteur encore un effort. Lecteur encore un effort, oui, c'est ça. C'est le chapitre qui concerne effectivement la relation de complicité avec le texte lui-même, avec l'hypertextualité, enfin toutes les notions classiques, depuis Bakhtine jusqu'à Julia Kristeva. J'arrive à le prononcer sans que ça me mérite la bouche, je pense que je vais me laver la bouche tout à l'heure. Excusez-moi.